بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله مترى شفخة سار aujourd'hui le jeudi 14 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 7 mai 2020. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour poursuivre ensemble notre lecture dans le livre de l'unicité, le livre de l'imam Ibn Kathir, qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. صلى الله عليه وسلم Donc on a parlé de l'arrivée de Nabi عليه الصلاة والسلام في المدينة qui a eu lieu le 12 ربيع الأول dans, après la 13e année de sa prophétie, alayhi salatu wassalam. Donc, qui était, la première année de l'Hijra. Il est arrivé à Medina, alayhi salatu wassalam, le 12 Rabi' al-Awwal de la première année de l'Hijra. Et on a vu que le Nabi, alayhi salatu wassalam, dès son arrivée, il a commencé, et ça c'était le premier acte qui a été fait de sa part, alayhi salatu wassalam, fil Madina, c'est la construction de la mosquée de Quba. Il a commencé dès son arrivée fil Madina par la construction de la mosquée de Quba, alayhi salatu wassalam. Et après cette durée qu'il a passée à Quba, qui est de 14 jours, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de monter sur sa chamelle, et de la laisser se diriger là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Cet endroit qui sera le lieu de la construction de sa mosquée, Al-Masjid al-Nabawi. La deuxième mosquée qui a été construite dans l'islam, et la deuxième mosquée dans le mérite dans l'islam, après la mosquée de Kaaba. Et également la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam a été construite, comme on a vu, et par la suite, les compagnons radiallahu anhum ont construit les pièces du prophète alayhi salatu wassalam. Il est resté un mois dans la maison de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Ensuite, il s'est déplacé vers ses pièces avec ses deux épouses, Sauda bint Zam'a et Aisha bint Abi Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhun. Et de là, le Nabi alayhi salatu wassalam a commencé par d'autres chose importante également dans le Médina. Donc là, effectivement, c'est le début de l'État islamique. C'est pour la première fois, les musulmans vont avoir une terre à eux et un État à eux. Et donc, le Nabi alayhi salam a commencé par mettre en place toutes les choses nécessaires au bon déroulement de cet État. Tout nouveau, l'État de l'islam. Le premier qui a eu lieu à la Médina. Et parmi les choses que le Nabi alayhi salam a fait, c'est qu'il a fraternisé entre chacun parmi les muhajirin et un de ses frères parmi les ansar, parmi les habitants de la Médina. Et il a fraternisé entre lui et Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, comme on a vu, il n'a pas pu faire l'hijra avec le Nabi alayhi salatu wassalam car il l'avait chargé de rendre ses dépôts en garantie à leurs propriétaires. Les consignations que des gens de Quraysh laissaient chez le prophète alayhi salatu wassalam pour toute la confiance qu'ils avaient en lui, quand il a fait l'hijra, il a chargé Ali radiallahu anhu de rendre ces choses à leurs propriétaires après lui. Et après, il a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam fil Medina. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait cette fraternité entre lui et Ali radiallahu anhu. Et les autres, c'était à chaque fois un parmi les muhajirin avec un parmi l'ansar. Et ça, c'est un élément très important dans la da'wa et dans le bon déroulement de la da'wa. Et ça, je l'ai mentionné plusieurs fois pour son importance. Une da'wa a besoin d'un amour entre ceux qui la portent et qui la propagent et qui s'entraident dans sa propagation. Faut qu'on soit une aide chacun pour l'autre pour s'améliorer et se perfectionner et aller vers l'avant. Et non pas à chaque fois qu'il y a un da'i qui commence, yani on commence à trouver les erreurs et vouloir le faire tomber avec. Bien évidemment, on parle de quelqu'un qui suit la sunna. Et on parle de quelqu'un, quand tu lui montres l'erreur, il revient. Et on parle de quelqu'un dont l'objectif, c'est le haqq, et le propager parmi al-sunna wal-jama'a. Donc il faut cet amour. Et parmi les conséquences de cet amour, c'est le nasiha. C'est pas, on parle pas de l'amour dans lequel tu vas avoir tellement d'admiration pour ton frère, au point où tu vas le suivre dans les erreurs, au point où tu vas te taire sur ses erreurs. Le conseil est demandé. Et le conseil, c'est un signe de l'amour en Allah, le vrai amour, le seul amour qui sera bénéfique dans l'au-delà. Par contre, tous les autres liens, ils se terminent avec ce bas monde. Et également, parmi les éléments que le Nabi Issa Salam a fait dans cette période, le tout début de son arrivée à la Médina, c'est qu'il a fait des pactes avec les Juifs de la Médina. Et il a fait comme des alliances et des trêves avec eux conformément à des conditions. Yani, comme j'ai dit, si on peut appeler ça, yani, c'est comme des règles de citoyenneté. Ce sont des citoyens de l'Madina et ils ont des droits et des devoirs. Ils ont des droits et des devoirs. Et il a mis tout ça par écrit pour tous les gens de l'Madina, non seulement pour les Juifs de l'Madina, mais dans ces clauses, il y avait des clauses spécifiques aux Juifs de l'Madina. Il y avait des clauses qui sont spécifiques aux associateurs de l'Madina, les mécréants qui ne sont pas entrés dans l'islam, et des clauses pour les gens du livre, les juifs, et des clauses pour les muslimines. Et en résumé, il était demandé pour tous de contribuer dans la protection de l'Madina. Dans la protection de l'Madina. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a parlé dans un nouveau point de la prescription du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a parlé de la prescription du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, et quand le messager d'Allah alayhi salatu wa salam s'est installé parmi les Médinois et qui se sont chargés de le protéger contre tous ses ennemis, parmi, il a dit, l'expression parmi les, les noirs et les rouges, c'est-à-dire toutes les races confondues. Et comme les Arabes, dès que les Médinois ont accueilli et ont accordé leur protection au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ce sont devenus des ennemis pour tous les Arabes sans exception. Et Allah Azza wa Jal avait, il dit l'imam Ibn Kathir, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait autorisé pour les croyants le combat dans le sentier d'Allah dans sourate Al-Hajj. Et sourate Al-Hajj, c'est une sourate makkiya qui a été révélée à Mecca. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Donc il dit qu'Allah عز وجل a autorisé aux croyants le combat dans son sentier déjà à Mecca. Et la preuve sur laquelle il s'est basé l'imam Ibn Kathir rahimahullah, c'est que sourate Al-Hajj est une sourate makkiya. Sourate Al-Hajj est une sourate makkiya. Effectivement, sourate Al-Hajj, comme il dit l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, là, il va reprendre l'imam Ibn Kathir. Bien évidemment, quand je dis il le reprend, c'est-à-dire il corrige cette erreur, mais pas forcément de Ibn Kathir, parce que c'est un de ses élèves. Donc il dit, et ça c'est un avis qui était connu, que l'imam Ibn Kathir a repris. Mais l'imam Ibn Al-Qayyim il dit que ça c'est une erreur. Car sourate Al-Hajj, comme bien même elle est makkiya, elle contient des versets qui ont été révélés vers le Medina. Et entre autres, ce verset-là, dont il est sujet. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Il a été autorisé à ceux qui sont combattus de se défendre pour avoir été lésés. Allah est infiniment capable de les faire triompher. Ceux-là qui ont été chassés sans juste raison de leur foyer, seulement pour avoir dit « Notre Seigneur, c'est Allah ». Donc ce verset, il a été révélé dans le Medina. Et l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimallah, il a détaillé ce point d'une manière excellente dans son livre Zad al-Ma'ad. Et c'est très très bénéfique pour celui qui veut connaître les étapes dans lesquelles a été légiféré le combat dans le sentier d'Allah. Et ça on l'a vu, et je le rappelle une deuxième fois pour son importance, d'une manière résumée des paroles de l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Il dit que le combat dans le sentier d'Allah a été légiféré en quatre phases. La première des phases à Mecca, dans laquelle il était ordonné aux croyants de patienter et le combat leur a été interdit. Donc ça c'est toute la période mécoise qui a duré 13 ans. Le Nabi Issa Salam a été envoyé à l'âge de 40 ans. Il est resté 13 ans à Mecca. Il a fait l'émigration à l'âge de 53 ans et arrivé à Al-Madina, il a passé 10 ans. Il est décédé, alayhi salatu wassalam, à l'âge de 63 ans. Ça, c'est l'avis le plus juste et le plus connu chez les hommes de science par rapport aux périodes et leur répartition dans la da'wah. Donc, la première phase, il leur a été ordonné de faire preuve de patience et d'endurance. Et il leur a été interdit de combattre. La deuxième phase, c'est après l'émigration à Al-Madina, avec ce verset qu'on vient de lire, l'autorisation de combattre. L'autorisation de combattre. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ. Il a été autorisé à ceux qui sont combattus de se défendre pour avoir été lésés. Et la troisième phase, c'est une phase dans laquelle il leur a été en plus autorisé, en plus de l'autorisation du combat, il leur a été autorisé de combattre ceux qui entament le combat. Et ce n'était pas encore légiféré de combattre tous les associateurs. Et par rapport à ça, Allah Azza wa Jalla dit « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ » Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Et la quatrième phase dans laquelle il leur a été ordonné de combattre tous les associateurs qui s'opposent à la propagation de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et de propager sa da'wa partout sur terre. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Tawba, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Dans le sens approximatif de ces versets, Allah dit et combattez tous ensemble à tous les associatres comme ils vous livrent combat, tous ensemble, et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. Donc dans cette dernière phase, ça a été légiféré de combattre tous les ennemis d'Allah, tous les associateurs sans exception. Et également Allah Azza wa Jalla dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dans le sens approximatif, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, et le fitna ici c'est l'associationnisme, et que la religion soit exclusivement à Allah. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associationnisme et que la religion soit exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est par rapport à la législation du combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui est juste, c'est que le combat n'a été autorisé que dans la période médinoise et non pas dans la période mécoise. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme l'a rapporté l'imam Ibn Kathir, il a dit dans sourate Al-Baqara, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dans sourate Al-Baqara, dans le sens approximatif de ces versets, Allah dit, le combat vous a été prescrit, quoique que vous le haïssez. Or, peut-être vous haïssez une chose alors qu'elle est pour vous un bien, et peut-être vous aimez une chose alors qu'elle est pour vous un mal. Puis c'est Allah qui sait, et c'est vous qui ne savez pas. Donc, Allah Azza wa Jalla également a prescrit dans ce verset le combat dans le sentier d'Allah. Et il a montré que l'être humain déteste le combat dans le sentier d'Allah, à la base, dans le combat de manière générale à la base. Car l'être humain, dans sa nature, il n'aime pas tout ce qui peut être une cause de mal, que dire de mort pour lui. Mais le croyant avec sa foi et avec sa croyance, et tout ce qu'il connaît des textes par rapport au mérite du combat dans le sentier d'Allah, quand il est fait dans ses règles, bien évidemment, on ne parle pas du combat de Daesh et de l'Khawarij de manière générale. On parle du combat dans le sentier d'Allah derrière le gouverneur musulman. On parle du combat dans le sentier d'Allah qui a réuni toutes ces conditions. Qui a réuni toutes ces conditions. On parle pas du combat yani des égarés et qui ne se conforment pas à la sunna. Et c'est pour ça Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce grand imam parmi les sahaba, ce grand savant, ce grand faqih, quand il lui disait un tel combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Donc là, c'est une des premières conditions, une des deux conditions. Et qu'est-ce qu'il disait lui? Il ne disait pas c'est bon. Il combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Ça veut dire il a la sincérité. Il disait, regardez, est-ce qu'il combat conformément à une sunna ou pas? La deuxième condition d'acceptation. Donc il suffit pas d'être sincère. Il faut la sincérité. Et rien n'est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala sans la sincérité. Mais il faut également la conformité à la législation. Et dans ces questions de jihad, de manière générale, c'est vers les hommes de science qu'il faut se retourner. Et qu'il faut interroger. Et attention, attention, attention à couler un sang injustement, sans raison valable, ou être la cause, ou inciter à cela ne serait-ce qu'avec la parole, ou avec un écrit, ou un message. Attention, car ceci a des conséquences extrêmement lourdes. Le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit « La yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama » ou comme a dit عليه الصلاة والسلام. L'homme ne cesse d'être dans une largesse de son affaire tant qu'il ne coule pas un sang injustement. Et couler le sang, sans raison valable, c'est pas uniquement le sang du croyant et du muslim, c'est aussi le sang de dhimmi et de mu'ahad, ceux qui sont en pacte, les mécréants qui sont en pacte avec les pays de l'islam, et ceux qui sont entrés dans les terres de l'islam avec l'autorisation du gouverneur, ceux-là, ils ont une autorisation du gouverneur pour entrer sur le sol dans les terres de ce pays de l'islam. En plus de tous les liens qui à notre époque entre les pays. Ça aussi, ça rentre dans le sang qui est coulé sans raison valable. Donc c'est le sang d'abord du musulman et également de ceux qui ont des pactes avec les pays de l'islam, avec les états islamiques. Donc après avoir parlé de ce point et de l'importance, ça c'est comme un préliminaire de ce qui va suivre et de ce que l'imam Ibn Kathir va rapporter dans ce livre. Sahaba radiyallahu anhum, quand un Nabi alayhi salatu wa salam est arrivé à Médine, comme ceci a été dit par Anas radiyallahu anhu, ils ont dit, on n'a pas vu un jour plus éclairé et illuminé, ni meilleur que le jour dans lequel le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et Abu Bakr sont arrivés à Médine. Et il a dit, et j'ai vécu jusqu'à la mort du prophète alayhi salatu wa salam, et je n'ai pas vu un jour plus obscur, et plus triste, ni pire que le jour dans lequel il est décédé, alayhi salatu wassalam. Ceci a été rapporté par l'imam Ahmad avec une bonne chaîne de transmission. Et Bien évidemment, la mort du prophète alayhi salatu wassalam, comme ceci est rapporté dans un hadith authentique, c'est la plus grande catastrophe par laquelle a été touchée la communauté. Et que toute personne qui est touchée par une épreuve, par une catastrophe, par une difficulté, qu'elle se rappelle uniquement la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il y aura un soulagement pour elle en cela. Et ceci est cité dans un hadith authentique. Sahaba radiallahu anhum, dès leur arrivée fil Medina, et comme on a vu, ils étaient touchés par des maladies, par de la fièvre et autres. Et parmi ceux qui étaient malades, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, et Bilal radiallahu anha, et d'autres. Et c'est là où le Nabi alayhi salam a fait dua, il a dit Allahumma habbib ilayna al-Madina kama hababta Makkata aw ashadda wa sahihha wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa hawwil hummaha wa hawwil hummaha ila al-Juhfa. Donc le Nabi alayhi salam a dit wa Allah fais-nous aimer al-Madina comme tu nous as fait aimer Mecca. Et plus encore, et fait que ce soit un endroit saint pour nous, et mets-nous de la baraka dans notre sa'a. Le sa'a, c'est le boisseau, c'est une unité de mesure qui contient 4 mouds. Il a dit, mets-nous de la baraka dans son sa'a et dans son moud. Les deux, ce sont des unités de mesure. Et éloigne sa maladie et ses épidémies et sa fièvre vers le Juhfa. Et le premier qui est né à Medina, le premier né à Médine parmi les enfants de les musulmans, c'est Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, le fils de Asma bint Abi Bakr. Son père, c'est Zubayr ibn al-Awwam, un des 10 annoncés au paradis. Donc lui, c'est le premier né fil Medina. Et dans cette première période également dans le Medina, il y a eu une affaire très très importante que j'ai oublié de mentionner. C'est la question de l'adhan. La question de l'adhan. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a voulu faire l'appel à la prière. Et parmi les choses qui lui ont été proposées, c'est d'utiliser un bourg, comme les juifs, une forme de trompe avec laquelle ils appellent à leur salat. Et d'autres lui ont proposé d'utiliser un naqus, comme les chrétiens, une cloche. Le Nabi alayhi salam n'a pas aimé les deux propositions, mais il est resté dans l'attente d'une autre chose meilleure, jusqu'à ce qu'un sahabi qui s'appelle Abdullah ibn Zayd est venu voir le prophète alayhi salam. Et il lui a raconté un rêve qu'il a fait dans lequel il a vu un homme qui lui a enseigné comment appeler à la salat. Et il est venu, il a raconté ça au prophète alayhi salatu wassalam. Et après lui est venu Omar, il avait fait le même rêve. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit que ça c'est une vérité. Et c'est quelque chose venant d'Allah. Et il a approuvé ce adhan. Il a ordonné à Abdullah ibn Zayd de l'enseigner à Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu anhu. Il lui a dit enseigne-le à Bilal pour qu'il fasse l'appel à la prière avec, car il a une voix plus belle et plus forte que la tienne. Et de là on prend que il est légiféré de choisir un muadhdhin avec une belle voix et une voix forte. Et avant ça, à notre époque on dira quelqu'un qui s'attache à la sunna. C'est lui qui va passer avant les autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas posé à cette époque, comme problématique. Et ça, bien évidemment, c'est quand c'est une mosquée qui est tenue par des gens qui suivent la sunna. C'est là où ils ont le droit de choisir le muadhdhin et de choisir l'imam, et ils choisissent les meilleurs parmi eux, et en plus, ceux qui s'attachent le plus à la sunna, et qui ont les autres conditions, bien évidemment. Mais la condition de l'attachement à la sunna est importante, est très importante. Et dans cette phase également, le début de la période médinoise, le Nabi Isa sallam, une fois, il a rendu visite à Sa'd ibn Mu'adh, un des maîtres des Médinois et de leurs grands et de leurs notables, radiyallahu anhu, qui était musulman déjà, comme on a vu précédemment. Il est parti lui rendre visite à dos de chameau et sur le à dos d'âne et sur l'âne il y avait un ikaf. L'ikaf pour l'âne, c'est comme un serge pour le cheval, c'est comme une selle. On l'appelle al-barda'a. Donc il est parti sur cet âne et il y avait derrière lui, il avait pris avec lui sur cet âne Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Il est parti rendre visite à Sa'd ibn Mu'adh. Et dans l'assise de Sa'd ibn Mu'adh, quand le prophète alayhi salam est arrivé, il y avait des musulmans qui étaient également venus lui rendre visite. Et il y avait des associateurs qui étaient venus lui rendre visite. Et parmi les présents, il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie. Il y avait cet homme dans l'assise. Et dès qu'il a vu le Nabi Isa sallam de loin, il l'a reconnu, il a fait des grimaces, et il a parlé avec des choses mal à l'encontre du prophète alayhi sallatou wassalam. Et dès que le Nabi alayhi sallam est arrivé, il a vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas musulmans dans l'assise, il a commencé à leur faire da'wah. Il les a appelés à l'islam, il leur a récité le Coran. Ubay ibn Ka'b, Ta'fouan, Ubay ibn Saloul, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, Ubay ibn Saloul, na'am, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, car il a un fils qui s'appelle Abdullah, qui est un sahabi. C'est Abdullah, fils de Abdullah, fils de Ubay ibn Saloul. Mais des fois, hada, on l'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, des fois on l'appelle Ubay ibn Saloul. Quand Nabi alayhi sallam a fini, Ubay ibn Saloul a dit, oh, toi l'homme qui parle, comme ça il s'est adressé au prophète alayhi sallam, déjà avec manque de respect. Il lui a dit, oh, toi l'homme qui parle, ce que tu as dit, c'est des choses, des bonnes choses, si seulement c'était vrai. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il a commencé à mettre le doute. Et ensuite, il lui a dit, alors ne nous dérange pas dans nos assises et dans nos rassemblements. Retourne chez toi, et ceux qui veulent t'écouter, ils vont venir chez toi et t'écouter. Et dans l'assise, il y avait Abdullah ibn Abi Rawaha, Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, il a dit, nous on veut l'écouter. C'est un musulman. Il a dit, nous on veut l'écouter. Et les associateurs, yani, ils ont commencé à hausser les voix contre les musulmans qui étaient présents. Et ils ont failli se battre. Et le Nabi alayhi sallam est intervenu, il a calmé tout le monde, et il est parti sur sa monture. Et Sa'd ibn Ubada est venu, et le Nabi alayhi sallam lui a dit, t'as entendu ce qu'il a dit? Et là, il a appelé avec sa kunya, le Nabi alayhi sallam. Il lui a dit, t'as entendu ce qu'a dit Abu al-Hubab? C'est la kunya de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il a dit, Sa'd radiallahu anhu, il a dit oui au messager d'Allah, mais pardonne-lui. Et il lui a cité la cause pour laquelle cet homme avait de la rage contre le prophète alayhi sallatou wassalam. Et bien évidemment, il va la garder toute sa vie et il va mourir avec, wal'iyadu billah. Non, la mécréance. Et il lui a expliqué la raison, c'est que cet homme, avant l'arrivée du prophète alayhi sallatou wassalam à Médine, les Médinois se sont mis d'accord sur le fait de le désigner comme leur roi. Et ils étaient à deux doigts de le faire, et voilà que Nabi alayhi sallam est arrivé à Médine, et tout ce projet a été gâché, et pour lui c'était le prophète alayhi sallam la cause. Et Nabi alayhi sallam lui a pardonné. Il lui a pardonné cette fois, et cet homme bien évidemment a fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises, dont certaines étaient marquées dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a commencé à parler de l'ghazawat de Nabi alayhi salatu wa salam. Et là, dans quoi nous allons, yani, ce qu'on va entamer maintenant, c'est une phase très très importante dans l'islam. Car toutes ces batailles qu'a mené le prophète alayhi salatu wa salam avec ses nobles compagnons, ça représente notre héritage et ça représente les exploits de notre prophète alayhi salatu wa salam ainsi que ses nobles compagnons. Et ça représente leurs efforts pour propager la da'wah. Parce que maintenant, c'est une phase dans laquelle le Nabi alayhi salatu wa salam ne va pas se limiter aux individus. Maintenant, il va aller vers les tribus. Et maintenant, après la force qu'Allah lui a donnée, et après son installation à Médine, et avec la naissance de ce nouvel État islamique, maintenant, le Nabi alayhi salam est devenu en position de force et en position d'attaque. Et c'est lui qui va aller vers les gens maintenant et pour leur proposer l'islam et les appeler à l'islam. Il y a des savants qui utilisent le terme « ghazwa » pour désigner les batailles dans lesquelles a participé le prophète alayhi salatu wassalam uniquement. Et ils vont dire « bu'uth » les expéditions, ils vont appeler « bu'uth » les expéditions qui ont été envoyées par le prophète alayhi salatu wassalam et dans lesquelles il n'a pas participé. Et quand c'est une expédition qui a été envoyée en cachette, de nuit, ils vont l'appeler Sariya. Donc il y a trois termes. Ghazawat, Bu'uth, Saraya. Il y a d'autres savants qui ne font pas la distinction entre les expéditions de jour ou de nuit. Tout ça pour eux, ça s'appelle Sariya. Et ça, c'est la plupart des savants, c'est comme ça. Mais l'imam Ibn Kathir, ici, il emploie le terme Bu'uth. Et le ghazwa, c'est la bataille dans laquelle a participé le prophète alayhi salatu wassalam. Donc par rapport aux batailles dans lesquelles a participé le prophète alayhi salatu wassalam, il y a une divergence entre les savants. Et la cause de leur divergence au sujet du nombre de ces batailles, c'est la façon dont ils comptaient les batailles. Il y a des savants qui vont considérer que deux batailles, c'est une seule, parce que c'était au même moment, l'une après l'autre, ou c'était dans une région et l'autre juste à côté. Donc des choses comme ça. Ce qui est très connu chez les savants, c'est que Nabi alayhi salam a participé dans 25 batailles. Ça, c'est l'avis le plus connu qu'a cité l'imam al-Maqdisi dans sa sira. Abdel Ghani al-Maqdisi, rahimahullah. Ibn Ishaq, l'imam de la Sira et des batailles du prophète alayhi salam, lui a cité également comme yani Adlavi Hada 25. Lui et un autre imam de la Sira également qui s'appelle Moussa ibn Uqba et un autre qui s'appelle Abu Ma'shar et d'autres. Donc ça c'est l'avis de la plupart des savants de la Sira et c'est l'avis le plus connu que le Nabi alayhi salam a participé dans 25 batailles. Il y a un autre avis, comme quoi il a participé dans 27 batailles. Et dans l'authentique, vous trouvez 18, 19. Et pour chaque nombre, il y a une explication. Comme les explications que je vous ai citées. C'est qu'il y a des savants qui vont compter deux batailles pour une. Et ainsi de suite. Donc, le Nabi alayhi salam, on va rester sur le fait qu'il a participé dans 25 batailles depuis son arrivée fil Medina jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal a pris son âme. Par contre, les expéditions que le Nabi a envoyées, le plus connu, c'est que c'était 50 expéditions qui ont été envoyées. Il y a des savants qui citent plus, il y a des savants qui citent moins. Et dans les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lesquelles il a participé, à savoir les 25, il n'y a eu combat que dans 9 parmi elles. C'est-à-dire, il y a 16 batailles dans lesquelles il n'y a pas eu de combat finalement. Pour une raison ou pour une autre. Ils n'ont pas trouvé leurs ennemis. L'ennemi a fui ou d'autres raisons. Mais les batailles dans lesquelles il y a eu un combat sont au nombre de 9 et dans lesquelles a participé le Nabi Aïssa al-Salam, bien évidemment. On parle que de celle-là. Et ces batailles sont tout d'abord la grande bataille et la plus grande des batailles de Nabi Aïssa al-Salam, c'est la bataille de Badr. Et la deuxième, c'est la bataille de Uhud, la deuxième plus grande bataille de l'islam. Et la troisième, c'est la bataille de Khandaq, les tranchées, ou la bataille des coalisés, l'Ahzab. La quatrième, c'est la bataille contre Bani Qurayza, parmi les Juifs. Et la cinquième, c'est la bataille de Bani al-Mustaliq, de laquelle est originaire son épouse Juwayriya, bint al-Harith al-Mustaliqiyya. Elle est de cette tribu, elle est la fille du maître de cette tribu. Elle était parmi les prisonnières de guerre que Nabi Aïssa Salam a affranchi et a épousé, radiyallahu anha. Également, la bataille de Khaybar et la conquête de Mecca. La conquête de Mecca. Et la huitième, c'est la bataille de Hunayn. Et la neuvième, c'est la bataille de Ta'if. Et ça a été rapporté comme quoi il a combattu dans 3 autres batailles avec une divergence. Les 3 autres, c'est Wadi al-Qura, Al-Ghaba et contre la tribu juive de Bani al-Nadir. Il y a une divergence, est-ce qu'il y a eu un combat dans ces 3-là ou pas? Mais les 9 que j'ai cités précédemment, c'est les 9 dans lesquels a eu le combat, et ce sont des batailles dans lesquelles Nabi Aïssa Salam a participé. La première avec laquelle a commencé l'imam Ibn Kathir parmi les batailles dans lesquelles le prophète Aïssa Salam a participé, c'est ce qu'on appelle Ghazwatul Abwa. Ghazwatul Abwa, la bataille de l'Abwa. L'Abwa, c'est une région. Si vous vous rappelez, c'est la région dans laquelle est enterrée sa mère. Donc ça, c'est le premier endroit vers lequel s'est déplacé le Nabi Aïssa al-Salam. Dans une excursion militaire, alayhi salatu wassalam. Et cette bataille s'appelle également la bataille de Waddan. Ou de Waddan. La bataille de Waddan. Et ce sont 2 endroits proches l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle par celui-là ou par l'autre. Car elle s'est déroulée dans cet endroit. Et c'est la première bataille que le prophète alayhi salam a menée par lui-même. Et c'était dans l'année 2 de l'Hégire, dans le mois de Safar. C'est-à-dire 11 mois ou 12 à peu près après son arrivée à Médine. 11 mois ou 12 après son arrivée à Médine, c'est la première fois que Nabi Aïssa Salam il va sortir dans une excursion militaire. Et il est parti vers cette région de Al-Awba, Afwan Al-Abwa. Et Al-Abwa, elle se trouve à 5 jours de distance de Al-Madina. Pour atteindre cette région, il faut compter 5 jours à partir de Al-Madina. Donc, comme j'ai dit, c'était dans le mois Safar, le deuxième mois dans le calendrier de l'Hégire, de l'année 2 de l'Hégire, à peu près 11 ou 12 mois, selon les avis, après l'arrivée du prophète Aïssa al-Salam, fil Medina. Et quand il est arrivé à cette région de l'Abwa, il n'a combattu personne et il a fait un pacte d'alliance avec la tribu de Bani Damra, Ibn Abdi Manat, Ibn Kinana. Il a conclu ce pacte d'alliance avec leur maître qui s'appelle Majdi ibn Amr. Et dans certaines versions, il s'appelle Mahshi ibn Amr. Et ensuite, il est revenu à Médine sans combattre. Il avait laissé sur le Médina comme responsable Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu. Car Nabi alayhi sallam, à chaque fois il sort de le Médina, il va désigner un émir sur le Médina afin de ne pas laisser les gens sans responsable vers lequel ils reviennent. Donc cette fois, il a laissé Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu. Et comment on va voir, bi'idhnillah, parmi les objectifs où je vais le citer maintenant, comme ça, vous allez l'avoir à l'esprit à chaque fois qu'on va parler d'une expédition ou d'une bataille. Les objectifs du prophète, alayhi salatu wassalam, à travers ces batailles vers lesquelles il sortait et ces excursions militaires et ces expéditions qu'il envoyait, alayhi salatu wassalam, quand il participait pas. Parmi les objectifs que les hommes de science ont cités, c'est d'abord d'explorer les alentours de l'Médina. Car Nabi alayhi salam, il arrive à l'Médina, c'est pas sa ville natale, il la connaît pas comme il connaît Mecca. Donc, et ses compagnons, radiyallahu anhum, également. Et comme on va voir, la plupart des premières batailles et des premières excursions, ils sortaient uniquement avec des muhajirines, des émigrés. Et vous imaginez comme ils doivent être les croyants, et surtout les émigrés. Ils étaient chassés de leur ville natale, de leur ville qu'ils aimaient, Mecca. Donc ils n'attendent qu'une seule chose. D'abord, c'est de faire triompher la religion d'Allah Azzawajal et d'écraser les ennemis d'Allah. À leur tête, Kuffar Quraysh, leurs grands ennemis, et également prendre leur vengeance d'eux. Et donc, parmi les objectifs, c'est d'abord d'explorer les alentours de l'Médina et de connaître toutes les routes qui partent de l'Médina vers Mecca. Parce que ils ont à l'esprit Kuffar Quraysh. Et le Mecca, c'est un objectif pour Nabi alayhi salam et ses compagnons radiallahu anhum. Et également pour nuire au commerce de Quraysh. Car Kuffar Quraysh, comme on a vu, et les Mécois de manière générale, ils vivaient de deux voyages de commerce. Un pendant l'été, un pendant l'hiver. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Le voyage d'été et le voyage d'hiver. Et celui, un des voyages était vers Sham et le deuxième était vers le Yémen. Et celui de Sham, bien évidemment, ils n'ont pas de choix que de passer à proximité de l'Médina. Car toutes les routes qui viennent de Sham, forcément, elles passent à côté de l'Médina. Et donc là, c'est une chance excellente pour Nabi alayhi salam et ses compagnons pour intercepter leur caravane commerciale et pour nuire à leur commerce et pour récupérer les biens qu'ils leur ont pris sans raison valable. Et bien évidemment, tout ça, c'est avec l'ordre du gouverneur. Pas qu'un frère entende ça et il va prendre Yani des choses qu'il ne doit pas prendre sous prétexte que ce sont des kuffars ou autres. Le muslim qui vit dans des pays de kuffar, et je demande à Allah de faciliter à tous mes frères et sœurs de quitter ces terres et d'aller vers des terres de l'islam, et de patienter, comme j'entendais un de nos savants, qu'Allah le ramène vers le haqq. Il disait, patienter dans les terres de l'islam en mangeant des cailloux est meilleur que de vivre dans des terres de kuffr en mangeant du chocolat. Et c'est une expression que j'aimais beaucoup. Wallah al-musta'an. Donc, yani, parmi les objectifs, ce que je viens de citer, intercepter les caravanes commerciales de Quraysh et de leur tête. Il y en a à chaque fois, ils savaient, cette caravane commerciale appartient à quelle personne de Quraysh. Et dès qu'ils ont la nouvelle, ils sortent pour la prendre quand ils y arrivent. Également, c'était une occasion pour le prophète et ses compagnons de faire des pactes d'alliance avec les tribus autour de l'Madina. Comme on va voir, ils ont fait beaucoup de pactes avec beaucoup de tribus, ou bien ils deviennent musulmans, ils acceptent l'islam, ou ils rentrent avec eux dans une forme d'alliance, et comme ça, ils ne se mettent pas avec leurs ennemis Quraysh contre eux, si jamais il y a une guerre. Au moins, ils restent neutres. Ou sinon, il y en a qui n'acceptent pas l'islam, mais qui font une alliance avec le prophète, avec les musulmans. C'est-à-dire qu'ils vont défendre avec eux le Madina. Donc, il y avait trois choses. Ou bien ils deviennent musulmans, ou bien ils les aident contre leurs ennemis parmi Quraysh, ou la troisième, ils restent neutres, ils aident pas leurs ennemis contre eux. Et également, c'était une façon de montrer la force des musulmans et leur puissance, surtout par rapport à des citoyens qui vivaient à Medina, parmi les juifs et parmi ceux qui étaient encore dans le kuffr, afin qu'ils sachent que là, ils ont affaire à un État islamique, certes naissant, mais avec une très très grande volonté et détermination, et que rien ne va arrêter sur terre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand les musulmans, mes frères, sont attachés à leur religion, wallahi, rien ne peut les stopper. C'est pour ça que les kuffars, ils savent cela. Ils ne veulent pas qu'on revienne vers l'islam dans son authenticité et dans sa beauté. C'est ça la cause de notre force et puissance. Comme a dit Omar radiallahu anhu, « Nahnu qawmun a'azzan Allahu bil islam ». On est des hommes à qui Allah a donné puissance et force avec l'islam, avec l'attachement à l'islam authentique, pas l'islam de Soufia, ni l'islam de Tablir, ni l'islam de Khawarij, ni l'islam de l'Ikhwan, al-Muflisin. L'islam sur lequel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum. Dans sa beauté, dans son authenticité, dans sa pureté, cet islam qui est purifié de toute forme de shirk et de toute forme de bid'a. C'est ça l'islam contre lequel Allah Azza wa Jalla a promis la victoire et le triomphe et la puissance dans le bas-monde et dans l'au-delà. Intansurullah yansurkum. Si vous vous attachez à sa religion dans sa pureté, Allah il vous donnera victoire. Qu'Allah permette à toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de revenir à l'islam authentique. L'islam, comme il a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme il a été compris et pratiqué par ses compagnons, radiallahu anhum. Donc, également parmi les objectifs de ces batailles, de ces excursions militaires, c'était une forme d'avertissement pour Quraysh, qui ont fait beaucoup de mal aux musulmans et au prophète, alayhi salatu wassalam, et qui continuent à faire du mal aux musulmans qui étaient encore restés chez eux, et même avec leur complot contre les musulmans. ceux qui étaient dans le Médina. Donc c'était un avertissement pour eux et une alerte qu'ils ne vont pas rester longtemps en paix et en sécurité et que leur moment est approché. Donc c'était une forme d'alerte et d'avertissement pour les têtes de Quraysh. Et comme j'ai dit, la première des batailles qui a été menée par le Nabi Issa al-Salam, c'est la bataille de l'Abwa qui a eu lieu dans le mois Safar, dans l'année 2 de l'Hégire. Ensuite, Nabi Issa al-Salam a envoyé une expédition à sa tête Hamza radiallahu anhu. Ils étaient une trentaine d'hommes, tous parmi les émigrés. Il n'y avait pas parmi eux un seul Ansari. Il les a envoyés à une région qui s'appelle Sif al-Bahr. Sif al-Bahr, ça veut dire la côte. Car cette région, elle se trouvait au bord de la mer. Et cette région, elle était connue, elle est toujours connue aujourd'hui. C'est une ville aujourd'hui qui s'appelle Rabir. Rabir, c'est parmi les villes côtières sur la côte de la mer ici en Arabie Saoudite. Pour ceux qui connaissent, il y a Yanbu'. Et tu descends en allant vers Mecca, tu trouveras vers au milieu. Et tu descends encore plus jusqu'à l'approche de Mecca, à 70 km, tu trouves Jedda. Donc là, ces trois villes sont toutes au bord de la mer. C'est des villes côtières. Et le Nabi Issa al-Salam a envoyé vers cet endroit qui s'appelle Sif al-Bahr, il a envoyé Hamza radiallahu anhu à la tête d'une trentaine d'hommes. Et ils sont sortis. À chaque fois, ça sera toujours pareil, pour intercepter une caravane commerciale appartenant à Quraysh, et particulièrement appartenant à Abu Jahl, Amr ibn Hisham, un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam à Mecca, ceux qui étaient appelés le Fir'aoun de cette communauté. Et l'armée qui est sortie dans cette expédition a été appelée également l'armée de l'Khabat. Et l'Khabat, c'est les feuilles qui tombent des arbres. Quand tu frappes l'arbre avec un bâton, yani ces feuilles qui tombent s'appellent l'Khabat. Il y en a en arabe, Khabata, ça veut dire il a frappé. Tu frappes l'arbre et ces feuilles qui tombent. Ça a été appelé l'armée de l'Khabat. Et l'Khabat, c'est ce que mangent les chameaux en général. Ça a été appelé l'armée de l'Khabat. Parce que dans cette armée, quand ils étaient envoyés vers Sif al-Bahr, ils étaient touchés par une très grande famine. Et ils mangent au point où ils mangeaient les feuilles des arbres tombantes. Et subhanallah, le Nabi Issa al-Salam, quand il les a envoyés, il n'a trouvé comme provision à leur donner qu'un petit sac contenant des dattes. Et sur leur route, leur émir leur donnait à chaque fois une datte à chacun, qu'ils suçaient et ensuite ils buvaient de l'eau par-dessus. Et subhanallah, ça leur suffisait. Jusqu'à ce qu'ils ont eu tellement faim, et ils ont commencé à manger les feuilles tombantes des arbres. Et subhanallah, il y a une très très belle histoire, que l'imam Ibn Kathir, rahimallah, n'a pas citée, mais je vais vous la citer, car c'est une histoire, yani, formidable, extrêmement belle, de ces hommes déterminés, qui sont sortis, et qui ont obéi au prophète, alayhi sallam, quand ils sont arrivés au bord de la mer. Allah Azza wa Jal leur a fait sortir un grand hout. Le hout, ça s'appelle l'ambar. Cette catégorie de gros poissons s'appelle l'ambar. L'ambar, c'est l'ambre. Et ils disent, Wallahu A'lam, c'est la baleine aujourd'hui. Ce qu'on appelle aujourd'hui la baleine. En tout cas, c'est un poisson gigantesque. Et ils disent que l'ambre, il est tiré de la baleine. Wallahu a'lam. En tout cas, un poisson immense. Ils l'ont décrit dans sa taille. Et ils avaient tellement faim quand ils l'ont vu. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le manger ou pas? Et au début, leur émir a dit, non, on le mange pas parce que c'est une bête morte. Et il n'est pas autorisé de manger de la bête morte. Et après réflexion, il a dit, ou que si, on est dans une famine et on est dans une nécessité, donc on peut manger. Et ils ont mangé de ce cétacé, ce gros poisson, entre parenthèses baleine, ils ont mangé de ce poisson pendant 18 jours. Et à leur retour, en plus, ils ont choisi le chameau le plus grand qu'ils avaient, et le plus fort et le plus costaud. Et ils ont mis par-dessus deux côtes uniquement de ce poisson. Deux côtes de ce poisson, et ils les ont transportés avec eux jusqu'à Al-Madina. Donc ils ont mangé de ce poisson, pas parce que pour eux c'était autorisé, à la base. Pour eux c'était une morte. Mais ils ont mangé par nécessité. Ils ont embarqué avec eux, yani pour la route et pour le Médina. Et quand ils sont arrivés fil Médina, ils ont raconté ce qu'ils ont eu là-bas au prophète alayhi salatu wassalam. Et il leur a dit, Ap'imuna in kana ma'akum. Non seulement il leur a dit que c'était autorisé, il leur a dit, donnez-nous un peu de ce poisson si vous en avez encore. Et il leur a montré que la morte de la mère est autorisée. Et c'est une exception à cette règle générale qui est l'interdiction de la bête morte. Le Nabi alayhi salam, comme il a dit, en parlant de la mère, il a dit, At-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. L'eau de la mer est pure et purifiante. Et sa mort est licite. Et il a dit dans un autre hadith, Uhillat lana maytatan al-hout wal-jarad. Ils nous ont été autorisés deux mortes. Le poisson et les sauterelles. Et les sauterelles. Également, un mois après cette première expédition à la tête de laquelle il y avait Hamza, radiyallahu anhu, le Nabi alayhi salam a envoyé Ubayd ibn al-Harith. Et ça a été rapporté qu'il l'a envoyé après la bataille de l'Abwa, la première bataille qu'on a vue, dans laquelle a participé le Nabi alayhi salam. Il a envoyé Ubayd ibn al-Harith. Radiyallahu anhu. Il l'a envoyé dans le mois Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, afwan. Dans le mois Rabi' al-Thani. Il l'a envoyé avec 60 ou 80 hommes. Parmi les muhajirines, tous également. Il l'a envoyé vers un endroit qui s'appelle Thaniyatul Mirra ou Thaniyatul Mara. Les deux façons de prononcer ont été rapportées. Et Thaniyat al-Mara ou al-Mirra, c'est une route dans une montagne. Une route dans une montagne, dans un endroit de l'Hijaz. Dans un endroit de l'Hijaz. Et cette expédition, yani elle est sortie également pour intercepter une caravane commerciale appartenant à Kuffar Quraysh. Et ils étaient en guerre, bien évidemment, contre les Kuffar de Quraysh. C'est pour ça que leurs biens leur ont été autorisés. Et dans cette expédition, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Et quand ils ont croisé la caravane, bien évidemment, j'ai oublié de mentionner que la première caravane qu'ils ont essayé d'intercepter, yani ils n'ont pas pu finalement l'intercepter et ils l'ont loupé. Ils n'ont pas pu l'intercepter. Et là également, dans cette expédition de Ubayd ibn al-Harith, ils sont sortis pour intercepter une caravane commerciale dans laquelle il y avait Ikrim ibn Abi Jahl. Et il a été rapporté que il y avait Mikraz ibn Hafs. Il n'y avait pas de combat entre les deux, entre les musulmans et les mouchriquins. Il n'y avait pas eu de combat dans cette expédition également. Mais Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, qui était présent dans cette expédition, il a lancé une flèche contre Kuffar Quraysh. Et c'était le premier qui a lancé une flèche dans le sentier d'Allah. Le premier qui a lancé une flèche dans le sentier d'Allah. Et il était connu, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, pour être fort. C'était un arqué, yani, expérimenté. C'était un archer expérimenté, radiallahu anhu. Et cette caravane commerciale également, ils n'ont pas pu l'intercepter et elle a fui. Et ce jour-là, quand ils ont croisé cette caravane, il a fui les mécréants deux hommes. Le premier, c'est le Miqdad ibn Amr al-Kindi. Et le deuxième, c'est Utba ibn Ghazwan, radiallahu anhuma. Ce sont des musulmans qui étaient encore à Mecca et qui étaient dans cette caravane commerciale. Et quand ils ont vu les musulmans, ils ont fui les mécréants vers les musulmans. Et ainsi, ces deux expéditions, c'était les deux premières expéditions que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyées. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyées. L'imam Ibn Kathir dit qu'il y a une divergence sur lequel des deux était le premier. Et ce qui est rapporté d'après la plupart des savants, que le premier c'était celui de Hamza, dans l'ordre dans lequel les a placés l'imam Ibn Kathir. Hamza, qui a eu lieu, yani, comme on a vu, le premier. Et le deuxième, c'était celui de Ubayda ibn al-Harith. Et le troisième, c'était celui de Sa'd ibn Abi Waqqas, que nous allons voir plus tard. Donc ça, c'est par rapport à la première bataille dans laquelle il n'y a pas de combat, dans laquelle a participé le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les deux premières expéditions que le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam a envoyées. Et nous allons poursuivre demain, bi'idnillah, les batailles et les expéditions du prophète, alayhi sallatou wassalam. Je demande à Allah, azzawajal, de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.